Grammaire en dialogue. Niveau avancé. Copyright Clé Internationale 2013. Chapitre 1, page 6. Ça se laisse lire. Qu'est-ce que tu bouquines en ce moment, Stéphane ? Je viens de finir un polar qui se lit très vite. On sent que c'est un peu commercial, car il faut que ça se vende le plus possible. Et du reste, on se laisse prendre par l'intrigue, qui est assez bien ficelée, mais qui se termine sur des scènes épouvantables, une véritable boucherie. Oh. Je comprends pas qu'un auteur se complaise dans tant de violence. Je ne m'y ferai jamais. Ça se passe de commentaires. Moi, ça ne me dérange pas. L'intrigue se passe au début des années 2000. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se fait embaucher par un étrange homme d'affaires, lequel se laisse entraîner dans des histoires de blanchiment d'argent. La nouvelle secrétaire se laisse convaincre de participer à des montages financiers louches, puis va insidieusement se rendre indispensable aux affaires de cet homme, qui, finalement, se fera avoir. Mais je croyais qu'il s'agissait d'un polar violent. Personne ne se fait assassiner. Mais si, bien sûr. Adrien, t'en fais pas. Il y a des enlèvements, des meurtres horribles et tout ce qui s'ensuit. De toute façon, je m'en fiche, je ne le lirai jamais. Cela dit, je me souviens maintenant de la sortie de ce livre. L'auteur s'était rendu célèbre en refusant le prix qu'il s'était vu offrir. Je n'en reviens pas d'ailleurs qu'il se soit fait encenser à ce point. Que veux-tu? Si les auteurs n'avaient pas besoin de publicité, ça se saurait. Bon. Il se fait tard. Il faut que je me remette au travail. Une chronique littéraire. Que pensez-vous de cette nouvelle collection de livres, Antoine ? Eh bien, il s'agit d'un projet éditorial de grande ampleur, qui s'avère des plus intéressants. Pourtant, au début, les auteurs s'étaient fait critiquer. Ils s'étaient fait taxer de démagogie. Cela se comprend, Nadia, car le premier ouvrage de la collection s'inscrit dans la tradition de la biographie romancée. La question se pose donc de savoir si la tâche à laquelle les auteurs se sont attelés se verra appréciée par un public de non-spécialistes. Certes, mais cette remarque s'applique à tout ouvrage de vulgarisation. Chapitre 2, page 9. Un documentaire troublant. Thomas, vous avez regardé un film pour nous. De quoi s'agit-il ? Eh bien, Nadia, il s'agit d'un documentaire retraçant la vie d'un avocat d'affaires. Il va de soi qu'une infime partie de la réalité a été abordée. En particulier, il manque des éléments cruciaux concernant les relations entre cet avocat et ses clients. Du reste, il n'est pas exclu que cela ait été délibéré afin de préserver le secret professionnel. Est-il exact que certaines scènes aient été filmées à l'insu des participants ? Il semble que cela soit le cas. Je n'en ai pas la preuve, mais c'est ce qui se dit. D'ailleurs, il se dégage de ce film une étrange impression de malaise, car il se peut que l'avocat n'ait pas été blanc comme neige. En revanche, il n'y a pas lieu de douter du sérieux ni de l'indépendance de la documentariste qui, paraît-il, a suivi une solide formation de journalisme d'investigation. À ce propos, il me revient à l'esprit une remarque qui nous a été faite l'autre jour par une auditrice. Comment se fait-il qu'après ce genre de documentaire, il ne soit pas décidé de procéder à de nouvelles enquêtes ? C'est à la justice de le faire. Il n'en reste pas moins que ce film permet de découvrir les arcanes d'un monde auquel le grand public n'a généralement pas accès. Il est d'ailleurs troublant, pour ne pas dire effrayant, de pénétrer dans ce milieu. Rumeur. T'es au courant ? Il paraît que Bernard Lambert, le directeur commercial, a quitté l'entreprise. Personne ne sait ce qui s'est passé, mais il semble bien qu'il ait été accusé de malversation. Ça ne m'étonne pas du tout. Il se trouve que je connais bien l'une de ses collaboratrices. Or, d'après elle, il existait depuis plusieurs mois déjà de forts soupçons sur les agissements de Bernard Lambert. Il est probable qu'il a donné sa démission avant qu'il ne soit trop tard. Il aurait été désastreux pour l'image du groupe de voir le scandale éclater. À mon avis, il aura été convenu entre la direction et Lambert de régler les choses à l'amiable et discrètement. T'as lu le communiqué des ressources humaines ? C'est assez confus, mais il en ressort qu'il n'y a pas lieu de faire de commentaires. C'est toujours la même chose. Il suffit qu'il y ait une accusation grave pour que l'entreprise prétende qu'elle n'y est pour rien. Maintenant, il s'agit d'attendre la réaction des collègues de Lambert. Il n'y avait qu'à voir la tête de Christophe l'autre jour pour deviner que Lambert n'était probablement pas le seul à être impliqué. Je me demande ce qu'il adviendra de cette équipe. Eh ben, il se passe des choses louches dans cette entreprise. Chapitre 3, page 12. Une dispute. Tu ne vas pas encore remettre à la semaine prochaine le déjeuner avec Farida et Stéphane ! Ça passera mal ! Ils risqueront d'être vexés ! Tu ne manques pas de toupet. Je passe mon temps à préparer des dîners pour tes amis et pour ta famille et ça sert à rien. Maintenant, je vais passer pour égoïste. C'est le comble. Chaque fois que nous parlons de Farida et Stéphane, ça finit en dispute. Et là, ça n'a pas manqué encore une fois. Elsa, ça sert à rien de nous disputer. Ça me servira de leçon. À partir de maintenant, Guillaume, je fais ce que je veux. Tu te passeras de moi pour faire la cuisine. J'en ai marre de passer après tout le monde. Et puis, je n'ai pas le temps de faire de dessert. Je peux pas passer ma vie à faire la cuisine. On se passera de dessert. Ça n'a aucune importance. Calme-toi. Tu me fais passer pour ce que je suis pas, comme si je te martyrisais. Mais tu vas pas te remettre à m'accuser. Elsa, c'est terrible, on n'en finit pas de se disputer. Et pourtant, on peut pas se passer l'un de l'autre, non? Un film nul. Je n'ai pas vu le nouveau film de Joseph Cambier qui passait la semaine dernière. Tu l'as vu, Gauthier? Ouais, mais tu n'as rien raté, Elodie. Ce film est nul. Passons déjà sur le titre, Super Crack, qui est complètement ridicule. C'est une histoire de science-fiction qui se passe parmi des humains et des robots. Il ne manque aucun des ingrédients du mauvais film. Les personnages n'en finissent pas de s'entretuer dans des scènes qui ne servent qu'à montrer des effets spéciaux. Tu vois le genre? C'est vraiment bizarre, parce que le cinéaste passe plutôt pour un intellectuel engagé. Il s'est souvent servi du cinéma pour dénoncer des injustices ou des atteintes aux droits de l'homme. À mon avis, c'est plutôt qu'il ne manque pas une occasion de faire parler de lui. J'ai l'impression qu'il est passé de l'amour des idées à celui du fric. Oh, c'est tout de même quelqu'un qui ne manque pas de talent. Quel dommage. Ce type de film ne lui servira pas, au contraire. Cela risque de le desservir auprès de la critique. Il reste à voir si les spectateurs passeront sur les défauts de ce film. Rien n'est moins sûr. Le public est généralement d'une cruauté et d'une inconstance qui se passent de commentaires. Tu as raison. Mais il serait bienvenu que les cinéastes sachent se remettre en cause. Espérons que Cambier se remettra à faire des films de qualité. Chapitre 4, page 15. Une surprenante reconversion. Dis Valérie, t'as entendu que Patrice s'apprêtait à franchir le pas? Il a fini par se décider à quitter la ville et à s'installer en pleine campagne pour faire du bio. Oui, Maxime, j'ai eu vent de cette histoire. Quelle mouche l'a donc piqué? Bien, comme son entreprise battait de l'aile depuis longtemps, il s'attendait à être licencié un jour ou l'autre. C'est ce qui s'est produit. Il a commencé par empocher de bonnes indemnités. Mais qu'est-ce qu'il va faire de son appartement à Paris? Il n'a pas tardé à le vendre. Il m'a dit n'avoir eu aucun mal à trouver un acquéreur. J'avais toujours pensé que Patrice se refuserait à quitter la ville. Oui, mais cette fois, les circonstances lui ont permis de se jeter à l'eau. Sais-tu où il compte s'installer? Il m'a expliqué avoir choisi la Bourgogne, quelque part dans le Morvan. Oh, il me tarde de le voir pour le taquiner un peu. Il va falloir qu'il apprenne tout. Il sait à peine ce qu'est un jardin. Patrice en train de cultiver des poireaux. On aura tout vu. Il est clair qu'il lui faudra déployer une sacrée énergie. Je me demande s'il se rend compte des efforts qu'il aura à fournir et de la réalité de la vie d'agriculteur. Il m'a promis de me parler de son projet en détail. Il réussira peut-être. Après tout, qui ne risque rien n'a rien, comme on dit. Il est caractériel. Finalement, Laurent, j'ai proposé à Xavier de participer à notre réunion de demain. Oh, t'as du courage, Cédric. Moi, je ne me serais pas risqué à l'inviter. Il est caractériel, il finit toujours par saper le moral de toute l'équipe. Le problème, c'est que si je ne l'invite pas, je m'attends à une vive, si ce n'est violente réaction de sa part. Ce qui serait contre-productif au bout du compte. Tous ceux qui participent à la réunion sont des vieux de la vieille. Ils n'hésiteront pas à s'affronter à lui, surtout s'il commence à leur expliquer par A plus B ce qu'il faut faire. Tout cela ne tardera pas à tourner au vinaigre. Moi, je me refuse à entrer dans ce genre de polémique. Xavier est l'un des chefs, on n'y peut rien. Je ne peux pas ne pas lui demander de venir. Eh bien, ça promet de ne pas être triste. On n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace, pour reprendre le proverbe. Je te souhaite bien du plaisir, Cédric. Merci, Laurent, je me passe de tes sarcasmes. Il me tarde que cette réunion ait lieu. Plus tôt ce sera fini, mieux ça vaudra. Chapitre 5, page 21. Un nouveau musée. Michel Leclos, vous êtes conservateur en chef du musée des Beaux-Arts qui vient de rouvrir. Cette rénovation, est-ce vous qui l'avez souhaitée? N'aurait-il pas fallu s'y atteler depuis de nombreuses années? Bien entendu. Notre musée exigeait depuis fort longtemps une importante modernisation. Pourquoi ne l'avons-nous pas effectué plus tôt? Nous manquions de fonds, jusqu'à ce que de généreux mécènes s'enthousiasment pour le projet. De quelle manière le musée a-t-il été rénové? Et d'abord, comment vous y êtes-vous pris pour choisir l'architecte? La municipalité, la région et l'État ont lancé un appel d'offres. Un projet a été retenu parmi plusieurs dizaines. Je tiens à signaler qu'il a été choisi à l'unanimité et en totale concertation avec tous les partenaires. Les sommes consacrées à cette rénovation ne réduiront-elles pas les marges de manœuvre du musée? Au contraire, ce nouveau musée va attirer un grand nombre de visiteurs. Suis-je trop optimiste? Je ne le pense pas. La langue de bois. Séverine Leduc, vous êtes candidate aux élections législatives. N'aviez-vous pas déclaré, il y a quelques mois, que vous ne quitteriez jamais votre ville? Effectivement, je l'avais envisagé. Mais que ne dirait-on pas si je me refusais à prendre mes responsabilités? Les Français n'attendent-ils pas des hommes et femmes politiques qui s'engagent totalement à leur côté? Cette campagne électorale que vous menez, Séverine Leduc, la considérez-vous comme un tremplin vers l'élection présidentielle? La question n'est-elle pas un peu biaisée? Pour le moment, je me concentre sur le présent. Oui, mais l'élection présidentielle, Séverine Leduc, y avez-vous songé? Franchement. Ne suis-je pas une femme politique chevronnée? Ma mission est d'être à la disposition des citoyens, n'est-ce pas? Pour quelle raison vous êtes-vous lancée dans cette aventure des élections législatives? Vous y préparez-vous depuis longtemps? J'ai toujours eu à cœur de servir mes concitoyens. Séverine Leduc, je vous remercie. Chapitre 6, page 24. Une promotion discutable et discutée. Sophie, tu n'approuves donc pas l'idée de nommer René à ce poste? Franchement, Laurent, je ne suis pas pour. Même si pour rien au monde je ne chercherais à le brimer, il est hors de doute qu'il n'est pas sans qualité ni sans compétence. Néanmoins, je ne le vois d'aucune manière en chef d'équipe. Pourtant, tu n'as pas toujours été de cet avis. Bruno t'avait convaincu, non sans mal, de confier à René de plus grandes responsabilités. Annabelle, je n'y étais pas opposée car il ne s'agissait que d'une toute petite équipe. Vous n'anticipez jamais rien, Laurent et toi. René ne prend jamais la moindre décision, ce qui fait que personne ne veut plus entendre parler de lui pour des projets d'envergure. Je ne suis absolument pas d'accord. Beaucoup ne refusent pas de travailler avec lui. Tout le monde n'a pas la même connaissance du dossier que vous deux. D'ailleurs, s'il nous entendait, nos collègues ne comprendraient pas grand-chose à ce que nous racontons. Mais personne ne nie que René ait un certain nombre de compétences qui ne seraient sans doute pas malvenues dans ce contexte. Par exemple, il ne s'est jamais découragé quand il a été en butte à des critiques. Il a mené ses projets jusqu'au bout sans jamais se plaindre ni blâmer personne. À vrai dire, je ne comprends toujours pas pourquoi ce sujet fait débat. René n'a pas à intervenir dans les décisions au niveau de la direction. De plus, je ne vois guère d'autres candidats valables à ce poste. Tout le monde n'est pas de cet avis. Je ne te cache pas qu'à ma connaissance, ça se bouscule au portillon. Dans ce cas, il ne serait peut-être pas inutile de rencontrer d'autres candidats. Si je ne me trompe pas, le poste n'exige ni compétences linguistiques particulières, ni compétences... De toute façon, ce qui caractérise cette entreprise, ce sont les non-dits. Rien n'est clair. Personne ne dit jamais ce qu'il pense vraiment. Il n'est pas facile de se faire une idée de la réalité. Sur ce point, tu n'as pas tort, Annabelle. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Bon, de toute façon, maintenant, il s'agit non pas de geindre, mais d'avancer. Au moins sur ce sujet... Vous n'allez pas me contredire toutes les deux? Sans aucun doute. Oui, mais rien n'est plus comme avant. Oh, ne recommence pas, Annabelle. Chapitre 7, page 27. Le plus simple, ce serait de l'appeler. Ce que tu pourrais faire, c'est l'appeler. L'appeler? Moi? Jamais de la vie! Que tu ne veuilles pas lui parler, ça me laisse perplexe. Mais c'est pas que je ne veuille pas lui parler. Mais pour rien au monde, je ne voudrais lui montrer qu'il me manque. Fini la période où je courais après les garçons. Ce que je ne comprends pas, c'est que tu sais bien que Clément est timide. Et la meilleure chose à faire, c'est de prendre les devants. C'est que, une fois, j'ai appelé un garçon dans le même genre de situation. Et le résultat, c'est qu'il m'a raccroché au nez. Alors depuis, je ne bouge plus. L'ennui avec toi, c'est que tu es têtu comme une mule. Oh, si je te dis ça, ce n'est pas pour te blesser, c'est pour ton bien. Que ce soit pour mon bien ou que ce soit vrai, je m'en fiche. De toute façon, moi, je l'appellerai pas. Un point, c'est tout. Dommage, hein. C'est toi qui décides. Indispensable, cette peste? Qu'il faille s'y mettre à plusieurs, je le comprends bien. Mais de là à lui demander de l'aide... L'ennui, Yasmina. c'est que nous nous sommes déjà engagés à rendre le rapport avant le 31, dernier délai. Tout seul, nous n'y arriverons jamais. Certes, mais ce dont on n'a absolument pas besoin, c'est d'une peste comme Valérie. La seule chose qu'elle sait faire, c'est de monter les uns contre les autres. Ça, tu ne peux pas le nier, Bertrand. Ce qui me tracasse, c'est que le délai soit si court. Il va falloir travailler d'arrache-pied, y compris les week-ends. Si je dis ça, Yasmina, ce n'est pas pour te contredire. C'est juste pour que tu te rendes compte qu'on a besoin de quelqu'un de plus. À part Valérie, je ne vois personne d'autre qui soit en mesure de nous aider. Et elle est libre en ce moment. C'est vrai, mais le principal, c'est qu'on puisse travailler en bonne intelligence. Sinon, on va droit dans le mur. Ça, je le sais bien. Chapitre 8, page 30. Tous les mêmes ? Quant à moi, je ne me fie ni à l'un ni à l'autre. Chacun raconte de tels mensonges que quiconque doté d'un peu de sens commun ne peut les croire. Tu dis n'importe quoi. Ce serait quelqu'un d'autre que toi, Adrien, qui tiendrait tel propos, je me fâcherais. Mais tout le monde sait que t'as de petites tendances anarchistes. À d'autres, je ne suis pas anarchiste, Stéphane. Je suis désespéré que ces candidats soient si mauvais, entre autres parce qu'ils n'ont aucune personnalité. Chacun s'avère plus fade que l'autre. Ce n'est pas si sûr. Rien de tel parfois qu'une bonne campagne électorale pour faire émerger les personnalités. C'est du moins ce que disent certains. Je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui le pense vraiment. Et tu verras, un jour ou l'autre, les électeurs ne se déplaceront même plus. Quel pessimisme! Tout de même, tu devrais tenir compte du fait que l'un dans l'autre, la participation aux élections n'est pas si mauvaise, même si certains déplorent qu'elle ne soit pas massive. T'as qu'à consulter n'importe quelle statistique et tu verras. Découvertes archéologiques. Jérémy Klein, parlez-nous des diverses découvertes effectuées sur ce chantier de fouilles. Eh bien, nous avons retrouvé, entre autres, un grand nombre d'objets romains qui, l'un dans l'autre, peuvent être datés du 2e siècle après Jésus-Christ. Cependant, pour diverses raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, certains avancent une autre datation, vers le début du 3e siècle de l'ère commune. Une telle découverte dans la région permettra-t-elle d'envisager l'ouverture d'un musée au public ? Un jour ou l'autre, il est probable que nous aurons à exposer ces pièces de monnaie, ces statuettes et ces objets en métal. Nous savons mieux que quiconque à quel point l'archéologie attire le public, et en particulier les enfants. Pourtant, dans la région, pas grand monde ne se précipite dans les musées archéologiques. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Certes, tout le monde n'y va pas, mais pour quelle raison ? Tout d'abord, il va de soi qu'on ne doit pas présenter les trouvailles telles quelles. Il est important que chaque objet soit remis en contexte. Une telle présentation pédagogique rendra la visite infiniment plus vivante et enrichissante. Je vois, Jérémy Klein, que vous autres archéologues avez toutes sortes de bonnes idées à creuser. Oui, en effet. Chapitre 9, page 36. Au volant. Ce qui me renverse, c'est que tant de gens qui prétendent bien conduire ne se rendent pas compte qu'au moment où ils téléphonent en voiture, ils mettent en danger la vie des autres. Tout comme il est dangereux de conduire en écoutant de la musique à fond, mais j'en connais qui ne s'en privent pas. Moyennant quoi, on ne s'étonne plus de voir tant d'accidents. Il existe un élément dont on parle peu, et qui pourtant devrait faire débat. C'est le fait que ce sont les hommes qui provoquent le plus d'accidents graves. Comme quoi, on a toujours des surprises. Quand on voit la manière dont les femmes se comportent au volant... Espèce de macho. Il y a des moments où je te taperais dessus bien volontiers. Et moi qui osais dire que les femmes pouvaient être agressives. Ce que tu as dit, c'est qu'elles conduisaient mal. Ce qui t'étonnait, c'est que ce ne soit pas elles qui provoquent le plus d'accidents. C'est la façon dont tu l'as dit qui m'a énervée. C'est le ton qui fait la chanson, ma chère Véronique. Dur métier. Ce château, devant lequel nous nous trouvons et près duquel quelques batailles décisives ont eu lieu, c'est celui où le roi recevait... Pourquoi riez-vous ? Il n'y a pas de quoi rire. Dame, vous en connaissez, vous, des rois ? Ah, Thibault, c'est intelligent. Si tu faisais attention à la manière dont tu formules tes questions... Eh, madame, regardez, il y en a qui grimpent aux arbres. Il y a des moments où j'ai vraiment envie de changer de métier. Il y a de quoi. Mais ne te tracasse pas. Tu en auras toujours qui s'en ficheront et d'autres que les visites intéresseront. Écoute, ce pourquoi on se bat, c'est l'ouverture d'esprit, la culture. Au train où l'on va, on n'arrivera même pas à entrer dans le château. Qui plus est, il y a des élèves devant lesquels je ne sais même plus quoi dire. Monsieur, c'est quoi ce truc ? Ce truc, comme tu dis, c'est une statue en marbre à laquelle l'artiste a consacré une grande partie de sa vie. Chapitre 10, page 39. Ah, les enfants ! Ceux qui ont l'intention de devenir banquiers ne font pas ce genre d'école. Ceci dit, Cyprien n'a jamais été très clair sur ce qu'il voulait faire. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On aura tout entendu. Ingénieur ? Tout, mais pas ça. Cette fois-ci, ça y est, je sais ce que je veux faire, je vais être pâtissier. Celui qui pourra me dire ce que Cyprien a décidé de faire dans la vie n'est pas encore né. Il changerait encore d'avis que cela ne m'étonnerait pas. Cela étant dit, il faudra bien qu'il se décide un jour ou l'autre. Ça commence à bien faire. Et ne parlons pas de son frère. Ce que va faire Bastien après avoir raté ses examens reste un mystère. Mon pauvre chéri, que veux-tu ? C'est comme ça. Oui, mais... Cyprien tient un peu de ton père, soit dit en passant. Mais alors, pourquoi est-ce que tu fais allusion à mon père ? Ça n'a strictement rien à voir. Changeons de sujet, comme ça on va pas se disputer. Ça y est, vous avez fini de parler de moi ? Comment ça ? T'écoutes aux portes maintenant ? Qu'à cela ne tienne, tu vas pouvoir nous dire ce que tu veux faire. Finalement, c'est la banque qui t'intéresse, non ? Pas plus que ça, à vrai dire. Ça alors ? Mais mon chéri, il faut bien que tu te trouves une voie. On t'aidera, on te soutiendra, cela va sans dire. Mais il faut bien que tu choisisses. Et ça, on ne peut pas le faire à ta place. Oui, maman. Ce que j'aimerais faire, c'est grand reporter. Mon garçon, j'admets que tu changes de projet. Mais celui-ci me paraît assez fantaisiste, étant donné que tu as peur de l'avion. Comment ça, j'ai peur de l'avion ? Je ne vais pas insister, mais tu ne fais guère le fanfaron dans un avion, ceci soit dit en passant. Et parmi tous tes projets, celui de devoir voyager tout le temps m'intrigue un peu, c'est tout. Cyprien, à part ça, qu'est-ce qui te plaît dans le métier de reporter ? À part ça, comme dit ta mère, c'est-à-dire à part le fait que tu ne pourras jamais faire ce métier, dis-nous enfin ce qui t'intéresse vraiment. Bah, avec tout ça, je ne suis plus vraiment... Je ne sais pas lequel des deux m'énerve le plus. Celui qui sait tout ou celui qui ne sait pas ce qu'il veut. Chapitre 11, page 42. Nos athlètes. Bonne nouvelle pour les amateurs d'athlétisme. Sébastien s'est remis à l'entraînement. Croyez-le ou non, sa grand-mère y est pour quelque chose. Elle lui a été d'une grande aide en le soutenant constamment, y compris financièrement. Envisage-t-il de se présenter au championnat de France ? Je sais qu'il y pense. Il a déjà récupéré ses forces, mais il ne veut pas en rester là. Une victoire au championnat de France, vous y croyez, Antoine ? Non seulement j'y crois, mais j'en suis convaincu, Nadia. Je vous rappelle que Sébastien l'avait emporté haut la main lors de sa dernière prestation. Pourtant, son entourage, y compris son entraîneur, n'emmenait pas large après la blessure que le jeune homme avait reçue à l'époque. Cela lui avait coûté sa carrière et on le disait fini. Oui, mais tenace, voire stoïque, Sébastien l'a toujours été. Quelques mois après sa grave chute, il avait discrètement repris l'entraînement à l'insu des journalistes. Oh, quel courage ! Son entraîneur n'en est pas encore revenu. Antoine, parlons maintenant de Magali. Où en est-elle de sa carrière ? Tout le monde la donnait victorieuse en championnat, mais sa concurrente Aurélie ne l'a pas entendue de cette oreille. Et c'est cette dernière qui l'a emportée contre toute attente. Eh oui, les supporters de Magali lui en veulent un peu, car ses succès précédents lui avaient tourné la tête au point de l'amener à sous-estimer son adversaire. Nous lui connaissons effectivement ce penchant, qui lui joue souvent de mauvais tours. Ambitieuse, elle l'est. Arrogante, hélas, elle l'est aussi. Souvenez-vous d'ailleurs de la fois où elle s'en était prise au journaliste qui avait osé la critiquer pour son jeu. Certains de nos confrères l'avaient mal pris, et Magali avait été obligée de présenter ses excuses pour ne pas envenimer la situation. Ceci mis à part... Tout le monde lui passe ses caprices, car c'est une grande championne. Beaucoup croient en elle et en son talent. D'ailleurs, on ne lui connaît pas d'incartade depuis quelques mois. Elle va participer au championnat et ses fans, tout comme ses adversaires, l'attendent de pied ferme. En voilà une sur qui repose de grands espoirs. Vous l'avez dit, Nadia. Chapitre 12, page 45. Fermer l'usine. Envisager de fermer cette usine, c'est une décision incompréhensible. À en juger par les réactions des médias, tout le monde s'y attendait. De toute façon, faire du profit immédiat, c'est le seul objectif en ce moment. Après avoir promis de garder l'usine, la direction explique maintenant que délocaliser est la seule solution viable financièrement. Je le sais. J'ai entendu le responsable du personnel annoncer la nouvelle. Pourtant, j'en suis convaincu. Prendre une telle décision, c'est condamner à mort toute la région. À mon avis, la direction n'a qu'une idée en tête. Partir là où la main-d'œuvre est la moins chère. Eh bien, ils vont trouver à qui parler. Les syndicats mettront tout en œuvre pour faire échouer ce plan-là. Redresser l'entreprise et sauver la région, c'est tout de même la priorité. D'accord, mais où trouver de nouveaux clients ? Faute d'avoir développé des produits innovants, l'entreprise a perdu des parts de marché. Et dire que les syndicats avaient déjà alerté la direction sur cette faiblesse, c'est à se taper la tête contre les murs. Alors que faire ? Constituer une sorte de coopérative et racheter l'usine ? Peut-être, mais le problème c'est d'obtenir des financements. Ce matin à la télévision, j'ai vu le ministre déclarer que le gouvernement tenterait l'impossible pour sauver l'usine. À t'entendre, on dirait que les solutions sont à portée de main. Moi, je suis un peu sceptique. Franchement, je ne sais plus quoi penser. Comment s'y retrouver dans tous ces arguments ? À qui se fier ? C'est à s'arracher les cheveux ! Écoute, la position des syndicats est facile à comprendre. Renoncer à développer cette usine, aller jusqu'à la fermer, jamais ! Oui, mais là, j'ai bien peur que ce soit reculé pour mieux sauter. On ne va tout de même pas regarder les emplois disparaître et rester les bras croisés ! La rumeur courait il y a quelques semaines qu'un investisseur étranger était intéressé par la reprise de l'usine. C'est une information à confirmer, bien sûr, mais c'est tout de même bizarre de ne pas y faire allusion, non ? Vous en avez entendu parler, tous les trois ? Oui, vaguement. Mais de là à s'imaginer qu'on est sauvé... De mon côté, j'ai cru comprendre qu'il y avait à boire et à manger dans ce projet. Chapitre 13, page 51. Un peu de tension. Pourvu que Sabine ne dise pas n'importe quoi. Je me suis engagée à ce qu'elle n'intervienne pas directement dans la négociation, mais cela a été de haute lutte. Quelle chance d'ailleurs que nous ayons pu lui donner un lot de compensation. Paul a consenti à ce que Sabine prenne en charge une partie du nouveau projet. Cela permettra qu'elle se cantonne à son domaine de compétences. Oui, mais je m'attends à ce que Paul fasse preuve d'autoritarisme et s'oppose à ce que Jérôme ait la haute main sur les décisions. Que je sache, n'est pas à Paul de trancher. Certes, mais si jamais Jérôme ne mène pas le projet à terme, il faudra s'attendre à ce que Paul veuille s'en emparer. Ça commence à bien faire. Si Paul n'est pas content, qu'il aille voir ailleurs. Finalement, peu importe que Paul soit bien disposé ou non, ce qui compte, c'est qu'il fasse ce que la direction lui demande de faire. Un examen raté. Oui, maman, j'ai raté mes examens. Que je sache, c'est pas un crime. Cyprien aussi avait raté des examens. Bastien, le problème n'est pas que tu aies échoué, mais que tu ne fasses pas preuve d'une grande ténacité. Or, ton père et moi tenons absolument à ce que tu aies ton diplôme. Peu importe que tu sois obligé de repasser les examens à la deuxième session. De toute façon, je m'attendais bien à ce que vous me fassiez des reproches. Je suis crevé. Et c'est pas étonnant que j'y sois pas arrivé. Il aurait fallu que je prenne des vacances au lieu de bosser comme un fou. Qu'à cela ne tienne, mon chéri. On ne s'est jamais opposé à ce que tu prennes des vacances. Mais avant, il faudra que tu aies mis au point un programme de révision, c'est tout. C'est tout de même curieux que tu aies bossé comme un fou, comme tu dis, et que tu aies eu de si mauvaises notes. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, papa et toi ? Que je m'enferme jour et nuit pour réviser sans voir personne ? Non, pourvu que tu aies la volonté de réussir, nous ferons tout ce que nous pourrons pour te soutenir. Mais il faut que tu y mettes du tien. Et que tu sois moins agressif. Chapitre 14, page 54. Le plan de table est délicat. Pour le repas, il faudra que nous trouvions des solutions pour éviter les conflits familiaux. Mais quel que soit le plan de table, impossible d'empêcher que Roselyne et Charlotte ne se rencontrent. Supposer que les deux soient obligés de se parler, ce serait la pire situation qu'on puisse imaginer. Certainement pas la pire, maman. Mais assez délicate pour qu'on y réfléchisse à deux fois. Bon, je pense tout de même que Charlotte est assez fine pour accepter qu'on la mette à la même table que mamie. Je ne suis pas d'accord avec toi, Nora. Mamie est la dernière personne qui sache comment gérer ce type de situation. Ce n'est pas que je veuille la critiquer, mais... Oui, tu n'as pas tort, Florian. Et d'ici à ce que mamie prétende ne plus se souvenir de Charlotte, il n'y a qu'un pas. Ce n'est pas que mamie perde la tête, mais de temps en temps, elle a des réactions, comment dirais-je, assez imprévisibles. Bah alors, dans ce cas, il faudrait que tu dises à Sabrina de se dévouer, qu'elle s'asseye à côté de Roselyne. Il n'y a qu'elle qui puisse nous sortir d'affaire. Ouais, bah espérons qu'elle veuille bien. Écoutez, quoi que nous fassions, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ou pour râler. On ne peut pas contenter tout le monde. Dans un déjeuner de famille, la seule chose qu'on puisse faire, c'est d'essayer de limiter les dégâts. hasardeuse décision ? Ce n'est pas que je veuille vous décourager, mais quoi que vous choisissiez, il est important que vous prépariez soigneusement ce départ. Il n'y a pas que l'expatriation elle-même qui soit délicate. Supposons que vous preniez en charge ce nouveau projet en Afrique. La durée de votre mission sera-t-elle suffisante pour que vous réussissiez ? Je tiens d'abord à préciser qu'aucun de mes collègues n'a souhaité partir. Soit qu'ils aient des obligations familiales, soit qu'ils soient impliqués dans d'autres tâches. Et puis, que je sache, m'expatrier est la seule solution qui me permette de faire évoluer ma carrière, vu les circonstances. Je comprends. Il n'y a que vous qui soyez en mesure de décider. Dans tous les cas, quelle que soit votre mission, elle comportera une part de risque. De toute façon, que ce soit moi ou un autre, il faudra bien que quelqu'un y aille. Je dois dire que, pour le moment, c'est la seule proposition qui me plaise et qui me tente. Dans ce cas, nous ferons tout pour que votre déménagement se fasse dans les meilleures conditions. Chapitre 15, page 57. Un étrange cambriolage. Thomas, vous avez un curieux fait divers à relater à nos téléspectateurs. Oui, et il est probable que l'enquête sera longue, si j'en crois mes sources. Samedi dernier, un camion de déménagement s'est arrêté devant la luxueuse demeure de Monsieur et Madame Nemours. Il semble bien que les soi-disant déménageurs soient entrés sans difficulté et aient entièrement vidé la maison. Comment est-ce possible ? Eh bien, tout millionnaire qu'il soit, Monsieur Nemours avait apparemment manqué de prudence quant à la protection de sa résidence. Voilà qui est extrêmement curieux, pour ne pas dire louche. Qu'en disent les enquêteurs ? Ils cherchent à identifier des témoins qui puissent les mettre sur la voie. Le fait qu'un individu a été interpellé samedi soir tend à prouver qu'ils sont sur une piste. Mais je doute que les résultats de leurs investigations soient communiqués aux journalistes. Le fait que M. Nemours ait été suspecté de fraude fiscale explique-t-il que les policiers ne veuillent pas communiquer davantage ? Certes, Nadia, il est probable que toutes ces affaires sont liées. Aucune piste ? Le fait qu'il ne soit pas connu dans la région plaide en sa faveur. J'admets que c'est effectivement un point positif pour lui. Il n'empêche que je ne comprends pas qu'il ne puisse pas préciser où il se trouvait à l'époque. S'il était innocent, il me semble qu'il répondrait à nos questions sans hésiter. Étant donné ses rapports avec la victime, tu te doutes bien, Franck, que même s'il avait su quelque chose, il ne nous aurait rien dit. Il est vraisemblable qu'il n'ait pas impliqué directement. Mais il est peu probable qu'il n'ait pas eu conscience qu'il se tramait quelque chose d'étrange autour de la victime. Moi aussi, Rémi, je doute qu'il n'ait pas quelque chose à voir de près ou de loin avec cet étrange cambriolage. Ce serait bien qu'on puisse mettre la main sur un témoin qui veuille bien dire ce qu'il a vu. Je suis d'accord. D'ailleurs, le fait qu'il y ait si peu de témoins me paraît louche. À l'heure où le cambriolage a eu lieu, on se doute que quelqu'un a bien pu entendre ou voir quelque chose. Il est peu vraisemblable qu'aucun voisin ne se soit rendu compte de quoi que ce soit. J'admets qu'on peut trouver normal qu'un camion de déménagement s'arrête devant la porte de la maison, mais on comprend mal que personne ne se soit demandé pourquoi les Nemours déménageaient. Chapitre 16, page 60. Du remue-ménage dans la famille. J'ai obtenu que Nora vienne avec Selim et que tous les deux dorment à la maison. Je pense que ce serait plus facile pour eux. Tu as raison, maman. C'est important qu'ils se sentent acceptés, surtout pour Selim. Oui, Charlotte. Je crois que je peux maintenant les inviter sans que ton grand-père proteste. Il est temps que papy admette que Nora est grande et qu'elle a le droit d'avoir un petit ami. Je suis bien d'accord avec toi. Mais tu sais comment est ton grand-père, qui regrette parfois que la morale ne soit plus ce qu'elle était. Il faut reconnaître à sa décharge qu'il y a eu tellement de bouleversements dans la famille qu'il n'a pas été ménagé, quelle qu'ait été sa relative ouverture d'esprit. Grégoire qui vient avec un copain, jusqu'à ce qu'on découvre que c'est son petit copain. Cécile qui a décidé de divorcer et Audrey qui change de petite amie comme de chemise. Charlotte ! Mais c'est la vérité, maman ! Audrey a décidé qu'elle mènerait sa vie comme elle l'entend et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle le fait. Charlotte ! Est-ce que cela te choquerait par hasard ? Cela m'étonne que tu réagisses aussi vivement. Pas du tout. Cela ne me choque ni ne me dérange qu'elle veuille être enfin libre. D'une certaine manière, je comprends que ton grand-père se sente un peu dépassé. Mais il a bon cœur, je suis sûre qu'il accueillera Nora et Selim à bras ouverts. Je parie même que cela lui ferait plaisir de les voir plus souvent. Tu ne crois pas ? Il est toujours difficile de deviner ce qu'il pense au fond de lui. Mais je suis d'accord avec toi qu'il a un petit faible pour Nora. Elle l'a toujours menée par le bout du nez sans difficulté. Ce que papy regrette finalement, c'est que tout le monde ne vive pas comme lui, ne pense pas comme lui. N'exagérons pas. Quelles que soient ses opinions, il fait souvent preuve d'une plus grande tolérance que bien des jeunes. Il ne faut pas généraliser, mais je suis souvent étonnée de voir des réactions plutôt conservatrices dans ta génération. Alors qu'au même âge, nous ne recherchions que l'émancipation. Tu vois, maman, tu fais comme papy. C'était mieux de mon temps. Chapitre 17, page 66. Rivalité. Excuse-moi, Émilie, je t'ai interrompue. Tu étais en train de travailler. Qu'est-ce que tu faisais ? Je finissais de préparer des photos pour mon exposé. Un peu plus, j'allais oublier d'envoyer les documents à temps. Tu as toujours eu tendance à faire les choses à la dernière minute, non ? Oui, bien sûr, mais j'ai des excuses. Je devais faire mon topo jeudi, mais cela a été avancé à mercredi et j'ai dû mettre les bouchées doubles pour y arriver. C'est la différence entre toi et moi. Quand j'avais ce genre d'exposé à préparer, je m'y prenais toujours des semaines à l'avance. Tout était prêt, je n'avais plus qu'à prendre mon sac et y aller. Je savais bien que tu t'érigerais en exemple, Karine. Tu t'es toujours évertuée à me montrer subtilement ta supériorité dans l'organisation. Mais pas du tout. Je te disais tout cela sans arrière-pensée. Tu parles. Dans ton fort intérieur... Allô ? Non, excuse-moi, j'ai pas le temps, j'allais partir. Oui, d'accord, je te rappelle plus tard. Oh, je savais que c'était lui. Il me fatigue, celui-là. Avant, il m'appelait le matin et il me réveillait à chaque fois. Ensuite, il a changé de tactique, il a commencé à m'appeler dans la journée. C'est du harcèlement, ma parole. Bon, de quoi parlions-nous ? De ton topo que tu n'as pas encore fini de préparer. Au fait, c'était qui ? Augustin. Je l'ai connu à la fac il y a quelques mois. J'ai toujours su que ce serait un homme. Et moi qui croyais que tu étais toujours trop gentille avec les garçons, tu as bien changé. Eh ben oui, avec le temps, j'ai fait quelques progrès sur ce sujet. Avant, j'avais tendance à ne pas oser dire non parce que je pensais que les garçons ne s'intéresseraient plus à moi. Et puis j'ai découvert que c'était pratiquement le contraire. Ça, pour moi, c'est difficile. Tu vois, on parlait des différences de caractère. Eh ben, j'ai toujours été un peu trop sérieuse dans mes cours, en tout cas plus que toi. Je connaissais beaucoup de gens, mais j'ai toujours eu du mal avec les garçons. Toi, c'est le contraire, tu as toujours eu plein de garçons autour de toi. Je crois que je t'envie un peu. Et moi qui ai toujours cru que tu me considérais comme une jolie idiote. N'importe quoi, je ne t'ai jamais prise pour une cruche. C'est plutôt toi qui me regardais de haut car tu as toujours été plus jolie que moi. Ah bah je vois que la dispute n'est pas près de finir. Chapitre 18, page 69. Selim n'arrive pas. Il n'arrivera donc jamais. Je commence à me faire du souci. Arrête de t'inquiéter, Nora. Il se sera rendu compte qu'il avait oublié quelque chose et il aura fait demi-tour. Il va se manifester, ça ne va pas tarder. En attendant, il n'appelle pas et son mobile ne répond pas. Bon, tu me diras que je pourrais essayer à nouveau. Est-ce que tu peux être anxieuse, ma pauvre Nora? Tu ne changeras jamais. S'il n'a pas téléphoné d'ici un quart d'heure, je prends ma voiture et je fonce chez lui. Et je te répondrai que tu as tort de te précipiter. Un jour, il faudra tout de même que tu arrêtes de dramatiser le moindre retard. Selim va finir par en avoir par-dessus la tête. Et ne viens pas pleurer quand il t'aura quitté. Tu es gonflée, Charlotte. C'est toi qui dramatises. Tu verras le jour où toi, tu seras amoureuse si tu ne réagis pas comme moi. On n'a pas fini de discuter. Car moi, jamais je ne réagirai ainsi. Si enfin j'ai un homme dans ma vie, je lui laisserai sa liberté. C'est le minimum. Bon, ça, on en reparlera. Hein. L'avenir du livre. Selon certaines études, on dit que le livre aura complètement disparu d'ici quelques années. C'est une vision de cauchemar. Si dans 10 ans le livre a disparu, je me jette par la fenêtre. Enfin, c'est une manière de parler, bien sûr. Calme-toi, Adrien. La technologie évolue si vite que dans quelques années surgiront de nouveaux outils. Tu seras le premier à t'en servir. Plutôt crever. Tu connais ma passion pour le livre. Je la garderai toujours. Tu me diras, Stéphane, que je suis un vieux réactionnaire, conservateur, démodé. Je m'en fiche. Imagine que les gens lisent davantage grâce aux livres électroniques. Tu ne vas pas me dire que c'est une catastrophe. Non, bien sûr. Mais je ne changerai pas d'avis. Je reste convaincu que le livre va rester un objet fondamental. On ne pourra jamais s'en passer. Ça, qui vivra verra. Chapitre 19, page 72. Si c'était moi... Je serais à la tête d'une pareille entreprise, je me préoccuperais d'abord de la qualité des produits. On dirait que la direction s'en fiche complètement. Tu ne t'en sortirais pas forcément mieux. Tu crois vraiment que tu aurais toutes les compétences et que tu saurais prendre les bonnes décisions? En tout cas, je commencerai par consulter les responsables de la qualité. Il semblerait qu'en ce moment, personne ne leur demande leur avis. Il faudrait tout de même le faire, non? J'aimerais bien t'y voir. Il n'y aurait pas que la qualité à prendre en considération. Qu'est-ce que tu ferais de l'aspect financier? Tu ne saurais même pas lire un rapport comptable. D'après ce que je sais, les ventes commenceraient à chuter. Ce qui serait logique, si la qualité baisse. Eh bien, tu devrais changer de métier et devenir le patron. Je suis certain que j'aurais été un bon gestionnaire. Tu sais que je devais reprendre l'entreprise de mon père. Finalement, ça ne s'est pas fait pour toutes sortes de raisons. En fait, je me serais beaucoup investi si j'en avais eu la possibilité. Tiens, qui arrive? On dirait Léon. Ah non, c'est Laurent. C'est bizarre, j'aurais juré que c'était Léon. Bonjour Yasmina. Salut Gilles, j'aurais voulu savoir si tu pouvais passer à mon bureau ce matin. J'aurais 2 ou 3 bricoles à voir avec toi. T'aurais dû me le demander plus tôt, car je pars en réunion. Dans ce cas, on pourrait se voir cet après-midi. La direction aurait enfin pris la décision d'améliorer la qualité des produits. On aimerait que cela soit vrai. J'aurais vraiment aimé parler de tout cela avec toi. Tu serais libre vers 15h? Je pourrais me libérer à ce moment-là. De mon côté, je devrais peut-être en parler avec mon équipe alors. À mon avis, il vaudrait mieux attendre. Rien n'est confirmé et on ne saurait être trop prudent. Ce serait tout de même dommage de tout rater à cause d'une gaffe. Tu ne serais pas un peu dubitatif par hasard? Dubitatif? Peut-être pas. Ce serait plutôt une petite tendance à la superstition. Tant que rien n'est confirmé, je préférerais que tout cela reste entre nous. Je te comprends, mais on pourrait espérer qu'une entreprise de cette importance communique un peu mieux. Je ne te le fais pas dire. Chapitre 20, page 75. Difficile à aider. Tu vois, ça m'aurait étonné qu'elle ne veuille pas les voir. Oui, mais j'aurais trouvé normal qu'ils la préviennent un peu plus tôt. Effectivement, Charlotte. Je pense qu'elle aurait aimé être avertie à temps de leur venue pour pouvoir mieux les recevoir. Il aurait suffi qu'ils lui disent 8 jours avant qu'ils avaient l'intention de venir et cela lui aurait facilité les choses. Quelquefois, je me demande s'il n'aurait pas mieux valu que nous lui proposions de l'aider. Tu la connais. Elle ne supporterait jamais que nous la traitions comme une vieille dame. Parfois, j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus conciliante. Ce serait mieux pour toute la famille qu'on puisse s'entraider spontanément, sans se préoccuper des réactions des uns et des autres. Tu rêves un peu. Cela dit, il se pourrait que nous parvenions à convaincre mamie de lui donner un coup de main. Il suffirait que papy lui dise quelques mots et tout pourrait s'arranger. Que faire? Oh, j'ai encore perdu le match. Je ne sais pas ce qu'il aurait fallu que je fasse pour venir à bout de Roland. Il aurait tout simplement fallu que tu t'entraînes un peu plus sérieusement, mon garçon. Peut-être, mais je n'aurais jamais cru que Roland puisse me battre. Pour commencer, ce serait bien que tu cesses de sous-estimer tes adversaires. Oh papa, arrête de me faire la leçon! J'aurais espéré que tu m'encourages au lieu de me faire des reproches. Je ne te fais aucun reproche, mais j'aimerais que tu tires les leçons de ce qui vient de se passer. Ce serait dommage qu'un garçon doué comme toi ne réussisse pas mieux. En fait, il faudrait que je change de prof. Ce serait peut-être bien que je suive les cours de Fabrice, tu ne penses pas? Je suis d'accord avec toi, Alexandre. Ce serait une bonne idée que tu ailles le voir. Ce serait dommage que tu te prives d'un excellent professeur. Mais il semblerait qu'il soit particulièrement dur et exigeant. Tu supporterais qu'un entraîneur te dise ce qu'il faut faire, sans aucun ménagement? Bien sûr, papa. Quelle question! Chapitre 21, page 81. Une actualité déprimante. La lecture des journaux va bientôt me plonger dans la dépression. Aggravation du déficit extérieur. Réduction du pouvoir d'achat. Virulente critique de l'opposition. Menace sur l'emploi. Inexorable augmentation du chômage. Règlement de compte mortel. Tout va bien. L'optimisme est de mise. Pas d'exagération, je te prie. L'obsession des mauvaises nouvelles est aussi pernicieuse que l'optimisme béat. Il ne s'agit pas de tomber d'un excès à l'autre, bien sûr. Mais parfois, j'aimerais avoir un peu plus de détachement. À ce compte-là, Adrien, tu finiras dans l'isolement le plus total. Mieux vaut tout de même une confrontation avec le réel qu'un renoncement à la vie en société. Ce serait choisir le confort, mais ce ne serait pas dénué d'une forme de lâcheté. Dis donc, Stéphane, tu donnes dans la grandiloquence, je vois. Ouh. J'apprécie l'élégance de ta leçon de morale, mais je n'ai jamais parlé d'éloignement de l'actualité. Je dis simplement que le caractère déprimant des nouvelles n'incite pas à l'euphorie. T'es tout de même d'accord avec mon analyse, non ? Oui, bien sûr, oui. Un mauvais feuilleton. Il s'agit de l'histoire d'une séparation, puis d'un divorce, puis d'un remariage, puis d'une grossesse non désirée. Bref, un mauvais feuilleton dont la vacuité n'a d'égal que la banalité. Je ne comprends pas ton intérêt pour de telles inepties. Bon, je reconnais que le début de l'histoire n'a pas grand intérêt. Pourtant, je trouve que ce film a un je ne sais quoi de touchant qui m'est allé droit au cœur. Touchant ? Je n'arrive pas à le croire. Ce n'est plus de la sensibilité, c'est de la sensiblerie. Le sujet est d'une telle banalité que je ne vois pas la différence avec n'importe quel téléfilm. Si tu le dis, ce doit être ma vulnérabilité en ce moment qui me joue des tours. Au moins, ta prise de conscience de cette fragilité est un pas en avant. Mais nous sommes en train de nous éloigner du sujet. Il y a du laisser-aller. On n'avait pas prévu de travailler. Chapitre 22, page 84. Une grande dame. Tu as vu que Germaine Fleury, âgée de 95 ans, vient de tourner dans un nouveau film français ? Oui ! C'est une grande dame du théâtre et du cinéma qui est encore dans une forme olympienne. À son âge avancé, quelle merveille d'avoir conservé une si bonne mémoire et une énergie apparemment intacte ! Oh, elle me fait craquer. Elle possède un sourire irrésistible et un visage candide d'une rare beauté. C'est vrai. Il émane d'elle une infinie douceur, une véritable harmonie. Elle doit être d'un incurable optimisme pour avoir gardé un esprit et un corps aussi alertes. Quand je serai une vieille dame, j'espère que j'aurai une certaine ressemblance avec elle. Hélas, je nous vois très bien toutes les deux presque centenaires, bien conservées, mais complètement gâteuses. Ou au contraire, avec l'esprit vif, mais le corps décati. Oh, quelle horreur ! Vive la jeunesse éternelle ! Oui ! Un redoutable négociateur. La dernière fois que j'ai aperçu Arnaud, il faisait une brève incursion dans un séminaire mortellement ennuyeux d'ailleurs, où l'on ressassait les sempiternelles questions existentielles. Je trouve étonnant qu'un esprit aussi pénétrant perde un temps précieux dans des réunions oiseuses. Ah, je suis d'accord avec toi. Quel homme remarquable. Tu sais qu'il s'avère un redoutable négociateur. Il est capable de gérer des dossiers complètement embrouillés, de répondre aux questions les plus pointues sur des sujets aussi variés qu'épineux. Le tout avec un petit sourire énigmatique qui ne le quitte pas. Moi aussi, j'ai pour lui la plus profonde admiration. Avec ça, il a gardé une attitude plutôt modeste qui contraste avec le comportement condescendant de ses collègues. Je me souviens que Luc, qui arrive toujours avec un air supérieur et suffisant, avait participé à une longue réunion avec Arnaud. Et cela avait constitué une rude épreuve pour lui. Arnaud avait d'abord fait preuve d'une certaine réserve, puis progressivement, il avait exposé des arguments à la fois subtils et convaincants qui avaient laissé ses partenaires pantois. J'imagine la scène. D'autant que Luc a une forte tendance à une agressivité mal contrôlée. D'un simple regard glacé comme il sait le faire, Arnaud a dû le remettre à sa place. C'est un sacré bonhomme tout de même. Chapitre 23, page 87. Des vacances un peu ratées. A priori, il s'agissait d'organiser un voyage entre vieux copains de toujours. A posteriori, ça s'est révélé un ratage complet. Pourquoi ? C'était mal organisé ? Non, mais finalement, ce sont plutôt les copains des copains qui sont venus. Il y en avait bien qui étaient assez sympas, mais les autres se sont avérés vraiment pénibles. Je crois bien que je n'ai pas pu échanger un mot avec la plupart d'entre eux. C'était bien la peine de te donner tant de mal. Vous êtes restés longtemps ensemble ? Une semaine. Mais dès que j'ai compris ce qui se passait, je suis parti illico avec Roman, qui heureusement était là. Grosso modo, nous avons fait des randonnées tous les deux pratiquement tous les jours. Curieusement, personne ne s'est rendu compte de notre absence. Je t'avais bien dit que c'était pas forcément une bonne idée de réunir ces gens-là. Ouais, j'aurais mieux fait de t'écouter. Que veux-tu ? C'est bien fait pour moi. Ça m'apprendra à toujours vouloir réunir tout le monde, y compris des gens que je connais à peine. J'espère bien que la prochaine fois, tout se passera mieux. Du chantage ? Christophe a encore prétendu connaître quelques secrets inavouables de ses chefs. Tu penses bien que cet argument a failli peser lourd dans la négociation. On est bien d'accord que c'est du chantage, non ? Oui. Mais je sais que Simon a tenu bon, heureusement. Apparemment, il a coupé court à toutes les insinuations de Christophe. Il avait vu clair dans son jeu. Simon est quelqu'un de bien et de solide. Certes, mais je lui souhaite bien du plaisir pour la suite avec Christophe. Toute cette situation risque de coûter cher à l'entreprise. Je me doutais bien que ce serait difficile. Après le départ de Lambert, la direction est restée étonnamment discrète. Maintenant, je vois bien ce qui se tramait. Bref, nous verrons bien ce qu'il adviendra. Mais a priori, je ne suis guère optimiste. Tiens, justement, voilà Christophe qui passe là-bas. Décidément, quand on parle du loup... Chapitre 24, page 90. Une mésaventure. Mon pauvre Daniel, comment as-tu fait ton compte pour te casser la jambe ? Tout bêtement, je me suis cassé la figure dans la rue en sortant du bureau. Tu n'as vraiment pas de chance. Tu es resté longtemps à l'hôpital ? Non, j'ai pu rentrer à la maison assez vite. Mais maintenant, ça commence à me taper sur les nerfs d'être dépendant. Bien sûr, le seul avantage de la situation, c'est que je peux faire la grasse matinée vu que je suis cloué à la maison. Mais l'activité, et même une activité soutenue, me manque. La patience n'a jamais été ta principale qualité. Véronique, n'importe qui perdrait patience dans de telles circonstances. Excuse-moi, Daniel, je plaisantais. J'ai tendance à oublier que tu n'as guère le sens de l'humour. Merci du compliment. Dis tout de suite que j'ai mauvais caractère. Mais non, je te taquine. Je suis pleine de compassion. Je sens déjà l'ironie. Un homme à poigne ? J'ai toujours éprouvé un certain respect pour Yves, même s'il a un caractère difficile. Pour ne pas dire un caractère de cochon. T'as raison. C'est une personnalité hors du commun. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un si bon manager. Pour ce genre de fonction, il faut quelqu'un qui ait de la poigne, mais qui sache aussi faire la part des choses et montrer un certain sens diplomatique. Il faut dire qu'Yves se caractérise par l'énergie, c'est certain. Mais c'est une qualité à double tranchant. D'un côté, cela l'incite à faire preuve de fermeté. De l'autre, cela le pousse à faire cavalier seul. Si bien qu'il s'est mis à dos à un grand nombre de collègues. Le bruit court que lorsque Roland a fait face à des drames familiaux et est resté absent du bureau, Yves en a profité pour réorganiser le service à sa manière. Il a toujours eu tendance à être autoritaire, voire despote. Yves a eu l'opportunité de mener le projet à terme en l'absence de Roland, mais j'ai l'impression que ce succès lui a tourné la tête. Et quand Roland a réintégré l'équipe, il s'est retrouvé face à un nouvel organigramme, de nouveaux objectifs. Yves n'avait même pas eu la courtoisie de le mettre au courant. Bien sûr, Yves est le chef, et c'est lui qui a le pouvoir, mais tout de même... Chapitre 25, page 93. Un bureau de ministre. Waouh, dis donc, mon cher Arnaud. Une cheminée en marbre. Une table en acajou. Un lustre en cristal. C'est un vrai bureau de ministre que tu as là. Ne plaisante pas, je te prie. Le bureau du ministre, c'est celui d'en face. Il est vrai que maintenant, tu as un poste en or. Ce qui est tout à fait normal pour un homme de ta qualité. Ta volonté de faire t'a mené loin. Jean-Baptiste, arrête tes sarcasmes. Tout cela est principalement une question de chance et de capacité à saisir les occasions quand elles se présentent. Bien sûr, monsieur le secrétaire d'État. Arrête, je ne suis que chef de cabinet, il ne faut pas exagérer. Que chef de cabinet. Tu as raison, mon cher Arnaud. C'est modeste. Je suis sincère, Jean-Baptiste. Nous sommes amis d'enfance. Tu penses bien que je n'emploierai pas la langue de bois avec toi. Je te taquine, Arnaud. Parlons sérieusement. Quelles sont tes responsabilités ? Eh bien, depuis le départ de mon prédécesseur, la liste des tâches a un peu évolué. Il faut que je connaisse à fond les dossiers du ministre, car la prise de décision ne peut se faire sans une bonne connaissance des tenants et des aboutissants. J'imagine que la pression des délais est énorme, n'est-ce pas ? Évidemment. Sans compter la participation aux réunions, celle du ministre et celle de mon équipe. Dans certains cas, il faut avoir des nerfs d'acier pour rester calme et une sacrée capacité de concentration. D'autant que mon ministre de tutelle est un bourreau de travail. C'est toi qui t'occupes de la rédaction des discours du ministre ? J'y participe, mais la plume du ministre, comme on dit, c'est quelqu'un d'autre. Un spécialiste en communication, bien entendu. C'est le mot-clé à l'heure actuelle. Et dans les bureaux d'à côté, ce sont tes collègues ou des consultants ? Principalement des conseillers du ministre. Et il n'y a pas de friction ni de rivalité entre vous ? Tu parles. Entre toi et moi, ce genre d'équipe est un vrai panier de crabes. Tout le monde cherche à prendre la place de l'autre. Cela ne te déprime pas ? Que veux-tu ? Ce sont les risques et les aléas du métier. Chapitre 26, page 99. Photo de famille. Là, c'est ta grand-mère, lors d'un dîner de Noël. Tu vois, elle est assise en dessous d'un portrait ancien entre ses deux fils. Papa et mon oncle, donc, qui habitaient tout près l'un de l'autre quand ils étaient jeunes. Pourtant, ils n'ont jamais été très proches. Oui, il y a eu des dissensions entre eux et par-dessus le marché, ton père a épousé la femme que ton oncle aimait, ta mère, que tu aperçois là, sur le côté droit. Ici, de part et d'autre du sapin de Noël, c'est toute ma famille du côté maternel. On devine la cuisine par derrière, où tout avait été mis sans dessus-dessous pour la préparation du dîner. Et à travers la fenêtre, on entrevoit le jardin. Et au-delà, la rivière qui passait par derrière. Et ici, tu nous reconnais ? Ton grand-père et moi, debout, côte à côte. Ah oui ! Ce qui est frappant, Tati, c'est que parmi tous ces gens, tu es la seule à avoir les cheveux blonds et bouclés. Pas tout à fait. Si tu regardes de près mes deux cousins qui sont assis l'un à côté de l'autre, celui de droite a les cheveux blonds aussi, que tu ne distingues pas sous son chapeau. Une rénovation urbaine. Où envisage-t-on de construire le nouveau stade ? En fait, il s'agit d'un programme de rénovation du quartier qui va bien au-delà de la simple construction d'un stade. Il faut remettre de la vie au cœur de ce quartier défavorisé. À partir d'où entreprenez-vous cette rénovation ? En partant du fleuve jusqu'à la voie ferrée. Voici la zone concernée par ce vaste plan de réhabilitation et de construction. Comment cette zone sera-t-elle desservie par les transports ? Nous allons mettre en circulation une nouvelle ligne de bus qui traversera la ville, depuis la place Jean Jaurès jusqu'au stade. Il y a en effet chez les habitants du quartier une grande frustration due au manque de transport en commun. Actuellement, pour se rendre à l'école ou à l'hôpital le plus proche, il faut près de 3 quarts d'heure de marche. C'est inacceptable. Ce plan a-t-il fait l'objet de discussions ? Évidemment. Une consultation a été menée au sein des collectivités locales et des associations. Vous semblez être parvenu assez rapidement à un accord. Oui, car je suis originaire de cette ville. Je vis parmi ses habitants depuis toujours. Je les connais, ils me connaissent. Et il y a, de part et d'autre, une relation de confiance qui s'est établie. Chapitre 27, page 102. Quelle pagaille ! Quelle histoire ce matin ! J'attendais le métro depuis un petit moment et je commençais à m'impatienter. Là-dessus, on nous annonce qu'il y a encore une fois un incident technique. Sur ces entrefaites, certains passagers exaspérés ont fait un esclandre. C'était la pagaille. Je te crois, puisque moi, au même moment, j'étais à la station suivante et à peine on entendait une annonce que tout le monde se mettait à râler. De temps en temps, un panneau électronique s'allumait avec des indications contradictoires. Une fois l'incident terminé, je peux te dire que ça a pris du temps avant que tout ne redevienne normal. C'est tout de même pénible. À longueur d'année, il y a des problèmes sur cette ligne. Le trafic est interrompu pour un oui ou pour un non, sans qu'on sache pourquoi. Je viens d'apprendre qu'un énième comité d'usagers se formera d'ici peu. Espérons que dans la foulée, cela encourage les pouvoirs publics à améliorer le service. Une jalousie féroce. Au fur et à mesure que la relation s'est développée, Benoît a sombré dans une jalousie féroce. Pour le moment, tant que Louise parvient à le rassurer, la relation tient encore. Mais jusqu'à quand ? Mystère. Ouais, si j'ai bien compris, Benoît arrive à peine à la maison qu'il commence déjà à lui poser des questions à tout bout de champ. Comme il ne la voit pas de la journée, il peut laisser libre cours à son imagination jusqu'au délire et... De toute façon, à court ou moyen terme, elle le quittera, sinon elle vivra un enfer. D'après toi, de quand date cette transformation dans leur rapport ? Autant que je me souvienne, Benoît était plutôt timide, non ? Il a toujours été jaloux. Tant qu'il vivait à Limoges, ça allait encore. même si elle se plaignait de temps à autre des crises de jalousie que lui faisait Benoît. Sur ces entrefaites, un premier bébé est arrivé et dans la foulée, ils ont déménagé à Paris. Là-dessus, Louise a arrêté de travailler. J'ai encore du mal à comprendre comment Louise a pu accepter de quitter son travail à Limoges. À cette époque, elle avait un poste important. D'entrée de jeu, la relation entre Benoît et Louise n'a pas été facile, même s'ils étaient très amoureux. Je me suis bien des fois demandé s'ils seraient restés ensemble s'ils n'avaient pas eu d'enfants. Chapitre 28, page 105. Des sources fiables ? Thomas, je me demande comment tu t'y es pris pour avoir accès à ces informations. Apparemment, tu as de bonnes sources. Ça a été toute une aventure. En toute franchise, Nadia, je ne te révélerai pas par quel biais je les ai obtenus, mais la plupart des éléments m'ont été transmis discrètement. Si ce n'est en catimini. C'est amusant que tu dises ça, car de mon côté, j'apprends beaucoup par l'intermédiaire d'un de mes contacts au ministère. Nous discutons souvent à bâton rompu. Comme je le connais par cœur, si je puis dire, je fais semblant de ne l'écouter que d'une oreille. Bien entendu, je prends très au sérieux tout ce qu'il me raconte. C'est toujours ainsi que ça se passe. Par allusion, généralement dans une situation où l'on dîne à la bonne franquette. Il faut mettre son interlocuteur en confiance pour lui tirer les vers du nez. Cela dit, certaines informations sont à prendre avec des pincettes. Il faut rester très prudent. Tu as raison. Et le pire, ce sont les rumeurs qui se transmettent de bouche à oreille. Je m'en méfie comme de la peste. Tant que rien n'est confirmé ou écrit noir sur blanc, je n'en tiens pas compte. Certes, c'est tout un art. Et il faut procéder par élimination et par recoupement. De plus, nous courons le risque que nos informations soient utilisées à mauvais escient. Et à ce moment-là, nos relations avec nos sources peuvent s'arrêter net. Une enquête policière. Les policiers semblent mener leur enquête tambour battant, mais ils ne parlent à la presse qu'à mots couverts. Antoine, vous avez tout de même obtenu quelques informations par le biais de vos informateurs. Oui, Nadia, je parlerai sans détour. Il s'agit d'une très curieuse attaque à main armée. En effet, tout a été mis sans dessus-dessous dans l'appartement du millionnaire. Les malfaiteurs se sont introduits sans effraction dans l'appartement, mais une arme à feu a été retrouvée sur place. Comment sont-ils parvenus à entrer malgré les systèmes de sécurité ? Auraient-ils donc pénétré par ruse ? Au fait, comment sait-on qu'ils étaient plusieurs ? Les analyses de l'ADN retrouvées sur place vont dans ce sens. Les enquêteurs travaillent d'arrache-pied pour rassembler tous les éléments possibles. Quelques suspects sont-ils déjà dans le collimateur des policiers ? Une première piste a tourné court, mais vu l'ampleur du vol, les enquêteurs sont déterminés à employer les grands moyens pour retrouver les malfaiteurs, y compris avec l'aide de leurs collègues européens. Chapitre 29, page 108. Des flopées de touristes. Madame le maire, la présence de très nombreux touristes constitue une source fort importante de revenus pour votre ville. Quelle politique d'accueil avez-vous mise en place ? Vous avez raison. Les touristes affluent, puisque nous recevons en moyenne 4 millions de visiteurs par an, dont une bonne moitié d'étrangers d'ailleurs. Tant que ça. Et pourtant, il semble que la majorité d'entre eux se cantonnent aux monuments les plus connus. Savez-vous combien explorent vraiment la ville ? En effet, peu de touristes, et malheureusement, nous n'en connaissons pas le chiffre exact, se risquent hors des sentiers battus, ce qui est regrettable. Si les vacanciers étaient un tant soit peu curieux, ils s'aventureraient davantage dans les recoins secrets de la ville, qui regorge de merveilles. Bien des gens se contentent d'une visite rapide, donc superficielle. Ne faudrait-il pas revoir de fond en comble votre politique d'accueil des touristes ? Il faut du moins l'améliorer. En particulier, nous allons mettre en place de nombreux circuits attrayants, incitant les visiteurs à mieux parcourir la ville. Malgré les efforts consentis, beaucoup reste à faire. Et je ne vous cache pas qu'une pile de dossiers m'attend. Madame le maire, je vous remercie. Un artiste prolifique. Dis donc, c'est bourré d'objets d'art chez toi. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une sculpture faite par un copain artiste. C'est une personnalité aussi originale que prolifique. Il a des idées à revendre, même si parfois il crée des objets un tantinet excentriques. Et encore, celui-ci est relativement classique. Ton copain est connu ? Maintenant, oui. Mais il n'a pas toujours eu du succès, tant s'en faut. Au début, il a été copieusement critiqué. Mais maintenant, la majorité des experts en art le respectent. J'imagine qu'il n'a pas pléthore de clients. Au contraire, désormais il a des clients, en veux-tu, en voilà. L'autre jour, il me disait qu'il commençait à crouler sous les commandes. Ça me fait plaisir pour lui. Comme quoi, un véritable artiste finit toujours par être apprécié et reconnu par une bonne partie du public. Chapitre 30, page 111. La nouvelle école. Madame le maire, si je comprends bien, vous avez investi dans les infrastructures du village à la différence de votre prédécesseur. Effectivement. Comme vous le voyez, nous avons fait construire une nouvelle école maternelle digne de notre commune. En tant que parent d'élèves et maire, je m'en réjouis. En quoi ce bâtiment diffère-t-il du précédent ? La fonction est la même, bien sûr, mais le style forme un contraste saisissant avec la vieille école de la Troisième République. Pour certains enfants, l'ancien bâtiment vétuste représentait une vision de cauchemar. La nouvelle école s'inscrit dans un projet qui se distingue par son caractère novateur. Telles que ? Des techniques pédagogiques originales, de même que du matériel entièrement renouvelé. Nous sommes dans une dynamique de modernisation, conformément à ce que j'avais annoncé dans mon programme électoral. Vous voyez, certains candidats tiennent leurs promesses. Il n'en va pas de même pour tout le monde, c'est certain. Encore des conseils. Héloïse m'a donné un nombre considérable de judicieux conseils dont je n'avais aucun besoin. Comme pour bien me montrer que je n'étais pas capable de me débrouiller toute seule. Tu devrais faire ceci, pas cela, et tout à l'avenant. Comme si tu ne connaissais pas ta copine d'enfance. Elle est comme elle est. Elle et son frère sont pareils. Ils ont toujours eu les mêmes tendances. Tu plaisantes, maman. Il y a un abîme entre l'intelligence de Mathieu et celle de sa sœur. Nora, je ne compare pas leur cerveau, mais leur personnalité. Pour des raisons complètement différentes, tous les deux ont la même manie de donner des conseils à qui veut les entendre. Peut-être, mais Héloïse parle comme si elle avait la science infuse. Comme si les autres ne comprenaient rien à rien. Non, Mathieu n'est pas pareil. Tel père, tel fils, comme on dit. Mathieu a toujours agi conformément aux désirs de son père. Surtout, ne pas se différencier des autres, dans cette famille très comme il faut. Héloïse, c'est le contraire. Comme pour provoquer ses parents, elle s'est toujours opposée aux habitudes familiales. Conclusion, Héloïse et Mathieu croient dur comme fer qu'ils sont les meilleurs. Cela n'excuse rien. Chapitre 31, page 117. Élection en perspective. Si jamais Roland était élu à la mairie, cela entraînerait de gros changements au conseil municipal. Si tant est que son électorat traditionnel lui soit fidèle, et ce n'est pas gagné. Je serai à la place des personnes âgées, je ne voterai pas pour lui. Il n'a aucun projet pour elle. Encore faudrait-il que ces personnes puissent se déplacer. Or, il n'y a guère de transport public dans cette ville. Pour un peu, je souhaiterais vraiment l'élection de l'autre candidat, qui n'est pourtant pas de mon bord politique. Pour autant que je sache, Roland est donné gagnant par les instituts de sondage. Mais de justesse, en admettant que ses estimations soient fiables. Or, rien n'est moins sûr. Si Roland gagnait, mais qu'il soit élu sans nette majorité, ce serait un désastre pour la ville. Même en admettant que le conseil municipal soit constitué de gens dévoués, tu vois d'ici les discussions et les blocages. Tu as raison, Adrien. Et pour peu que la crise économique s'aggrave davantage, le développement de la ville risque effectivement de pâtir de ce manque de direction claire. Une réunion décisive. Autant que je sache, la réunion sera décisive pour l'avenir de notre projet. Dans l'hypothèse où l'organigramme serait entièrement restructuré, cela pourrait tout remettre en question. Au cas où il déciderait de nommer un nouveau directeur, qui pourrait être placé à la tête du département ? Vincent, ou à défaut Aurélie. Si jamais Vincent déclinait l'offre, ce dont je doute fort, Aurélie serait tout à fait en mesure d'assurer la direction, à condition de faire quelques aménagements dans l'équipe, bien entendu. Oui, mais rien ne se fera sans l'accord de Valérie. Pour peu qu'elle se mette dans la tête de tout transformer, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. C'est la raison pour laquelle, dans la mesure du possible, je tiens à être présent et, le cas échéant, à mettre mon grain de sel. Chapitre 32, page 120. Ouf ! Tu as beau dire, Simon est quelqu'un qui a du cran. Là où tout le monde aurait renoncé, il n'a pas lâché, quitte à passer pour un fou. C'est vrai. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il a fait preuve d'une opiniâtreté inébranlable. Or, jusqu'à présent, c'était quelqu'un qui se caractérisait plutôt par la discrétion. C'est pour ça que personne ne pensait sérieusement qu'il pourrait réussir. Quand bien même ses interlocuteurs se seraient montrés moins pugnaces, il fallait être drôlement solide pour persévérer. C'est pourquoi je n'étais guère optimiste sur l'issue de cette négociation, quels qu'aient été nos atouts. Moi, au contraire, j'avais tout de même bon espoir que Simon s'en sortirait, ne serait-ce que parce qu'il avait pas mal de cartes en main. Je ne l'ai jamais nié. Il n'en reste pas moins que je n'aurais jamais imaginé que Simon parvienne à un tel accord. En quoi, je l'avoue, je me suis trompé. Je fais amende honorable. Toujours est-il que le contrat a été signé. Ça a beau être la crise en ce moment, cela représente un beau carnet de commandes. Mais l'entreprise n'est pas sortie d'affaires pour autant, ne serait-ce que parce que ce contrat ne suffira pas à lui tout seul à donner du travail à toute l'usine. Il n'empêche que c'est la première bonne nouvelle depuis des mois. On ne va pas bouder notre plaisir tout de même. Charlotte et ses défauts. C'est toujours pareil. Au lieu de se confronter aux difficultés, Charlotte se dérobe, quitte à se mettre à dos toute la famille. Oui, c'est curieux. Là où on l'imaginerait ferme ou impliquée, elle boude ou elle fuit. Le problème, c'est qu'elle voudrait s'imposer, sans pour autant avoir vraiment confiance en elle. Aussi étonnant que cela puisse paraître, elle est assez fragile, ou du moins vulnérable. Il n'empêche qu'elle se trompe lourdement en ne venant pas samedi. Ne serait-ce que pour venir embrasser ses cousins. Tu sais, Nora, Charlotte a beau être ma fille, je connais ses défauts. Quitte à te surprendre, je dirais qu'elle manque singulièrement de courage, alors que pour d'autres choses, elle tient de moi. Au demeurant, elle a de grandes qualités, c'est certain. Lesquelles, t'as dit ? Chapitre 33, page 123. Une pièce controversée. Antoine et Thomas, vous avez vu la pièce de théâtre. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas obtenu le succès escompté ? Eh bien, Nadia, si effectivement cette pièce a connu un relatif échec, ce n'est pas que le public ne se soit pas rendu compte de sa qualité, mais plutôt qu'il n'a pas été séduit par la mise en scène. D'accord, Thomas, mais cela n'explique pas tout. Rien qu'à entendre certains spectateurs, on se demande si le sujet n'a pas dérangé le public. Moi, j'étais allé la voir par curiosité. Et compte tenu des critiques que j'avais lues, j'ai été agréablement surpris. Pour la simple et bonne raison que j'ai un faible pour le metteur en scène. Néanmoins, je reconnais que le sujet est sombre, voire tragique. Et de ce fait, n'a pas attiré les foules. Il est certain qu'on n'éclate pas de rire à chaque réplique, c'est le moins qu'on puisse dire. En effet. D'ailleurs, quand j'y suis allé, la salle était à moitié vide. Pourtant, d'après le directeur du théâtre à qui j'ai parlé, ce n'est pas faute d'avoir fait de la publicité. La brouille. Comment ça se fait qu'ils ne se soient pas réconciliés ? À force de se contredire l'un l'autre, ils en sont arrivés à se déchirer. Rien qu'à entendre Cédric, on comprend qu'il ne veuille plus avoir affaire à Xavier. Tu sais d'où vient ce ressentiment ? Selon Cédric, cela vient du complexe de supériorité de Xavier, qui se croit tout puissant. Et d'après Xavier ? Ce serait Cédric qui, par orgueil, n'aurait pas reconnu ses erreurs. Xavier était encore vert de rage d'en parler. Il n'a pas changé. Il m'énerve à toujours dramatiser, à exagérer la gravité des choses. Conclusion, il est difficile de se faire une opinion. Tu as essayé de les rapprocher ? À quoi bon ? Je n'y arriverai jamais, d'autant que la situation risque d'empirer, et pour cause. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? À force de flatterie, Xavier vient d'obtenir de ses chefs un poste que Cédric convoitait depuis plusieurs années. En désespoir de cause, Cédric a décidé de s'expatrier. D'autant qu'il déteste la flagornerie et qu'il n'est pas prêt à faire des concessions. Au moins, le problème diplomatique sera réglé. Ceci dit, par curiosité, j'aimerais bien savoir si Xavier ne se mettra pas d'autres collègues à dos. Chapitre 34, page 126. Un résultat prometteur. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à ce phénomène ? Nous avions déjà mené quelques études qui s'étaient, hélas, soldées par un échec. À telle enseigne que nous pensions nous être fourvoyés. Finalement, il aura suffi d'une petite expérience bien conçue pour remettre le processus en route. Comme quoi, il ne faut jamais renoncer. Du moins, en cas d'échec, nous devons toujours nous remettre en cause de façon à tirer les leçons de nos erreurs. Ici, c'est précisément l'analyse de quelques dysfonctionnements qui nous a aidés à trouver des solutions. Le processus auquel vous faites allusion ouvre-t-il la voie à de nouvelles découvertes biologiques ? Il est un peu trop tôt pour en être sûr. De toute façon, le succès de l'expérience nous incite à persévérer dans cette direction jusqu'à, qui sait, une véritable percée scientifique. Au point de révolutionner nos connaissances ? Ce serait trop beau pour être vrai. Je n'irai donc pas jusque-là, mais les conclusions auxquelles nous sommes parvenus sont très encourageantes. Aussi avons-nous lancé de nouvelles expériences et nous espérons qu'elles produiront leurs fruits. Réunion politique agitée. Comment s'est passée la réunion ? C'était à s'arracher les cheveux. Il y a eu des discussions à n'en plus finir. Tout le monde se querellait. Tant et si bien que ça a duré. Mais ça a abouti à quelque chose ? À rien du tout. Chaque fois que Julie proposait une solution, cela déclenchait des protestations et des critiques, à tel point qu'il a fallu faire une interruption de séance pour rétablir le calme. Du coup, un grand nombre de décisions n'ont pas pu être prises. Je me demande pourquoi ce genre de réunion occasionne de tels incidents. Eh oui, même si l'ordre du jour n'était pas particulièrement polémique, de fil en aiguille, d'autres sujets ont été abordés. Et cela a déclenché des controverses assez violentes. C'est toujours la même chose. Il suffit d'un mot malheureux pour déchaîner les esprits. Comme quoi, il faut toujours faire attention à ce que l'on dit. Chapitre 35, page 129. La recette de maman. Dis maman, comment est-ce que tu prépares la tarte tatin ? Viens là que je te montre. Tu vois, je fais fondre le beurre dans le plat, puis j'ajoute du sucre. Je fais cuire de telle manière que cela devienne un beau caramel. Je pourrais aussi acheter du caramel prêt à l'emploi. Si tu veux mon chéri, mais le but c'est tout de même de faire une vraie tarte. Si tu la prépares toi-même, ce n'est pas pour qu'elle soit industrielle. Ensuite, tu places les pommes épluchées de manière à former une couronne. Ouf, ça a l'air difficile à faire. Tu plaisantes ? Tu laisses cuire les pommes histoire qu'elles dorent un peu dans le caramel. Il faut que tu surveilles le feu pour qu'elles ne brûlent pas, sinon... La tarte tatin sera ratée. Finalement, tu ajoutes la pâte feuilletée. Fais en sorte de bien glisser la pâte sur les côtés. Tu laisses cuire 40 minutes environ et tu la sers tiède. Et pour que ce soit encore meilleur, je peux ajouter de la chantilly ? De la chantilly ou de la glace à la vanille. Projet culturel. Quel est l'objectif de cette maison culturelle ? Elle n'a pas d'autre but que d'inciter les enfants à pratiquer un art. Notre propos est de faire découvrir à la fois la musique, le théâtre, la danse, le mime, mais aussi la peinture, la sculpture. Pour ce faire, qu'avez-vous mis en place ? Tout d'abord, nous faisons en sorte que les enfants puissent se familiariser avec différents arts, sans exiger de niveau particulier. En effet, dans ce quartier défavorisé, de nombreux parents n'osent pas inscrire leurs enfants à des activités artistiques, de peur qu'ils ne se sentent en échec. Il est certain que des progrès restent à faire pour développer une véritable politique culturelle dans ce quartier. Vous avez raison. Et c'est exactement ce que nous visons avec cette maison culturelle. Même si nous sommes encore loin du but, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces enfants accèdent enfin au monde artistique.